rentrée. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is an historic agreement. Cette semaine, l'affaire des fonds en déshérence. Deuxième partie. Vous avez eu l'immense bonheur d'échapper à la guerre. Votre situation géographique y est pour quelque chose. Votre courage pour plus encore. Crise, règlement et eau de boudin. Là, c'est une bataille idéologique. Une histoire qui ne passe pas. Nous savons que l'histoire n'est pas une science. Hein. Personne n'est assez insensé pour comparer les pertes suisses à celles des autres pays d'Europe. Ces gens ont vécu l'enfer des camps et en plus, ils terminaient leur vie dans une misère noire. Je regrette avoir blessé vos sentiments personnels et ceux d'autres personnes. Refuser notre histoire telle qu'elle est, c'est abdiquer notre responsabilité. À part quelques problèmes de communication, je ne vois pas de faute du Conseil fédéral. Vous devez profiter de cette fenêtre ouverte sur un monde qui crie à l'aide. Chapitre dernier, dos voûté et bons offices. Avec aujourd'hui Sébastien Gay, professeur d'histoire économique à l'UNIL, et Jacques Reverdin, diplomate. Ce dessin est une allégorie d'un rendez-vous avec l'histoire, intitulé « La Suisse et les fonds juifs ». Au premier plan, un vieillard à la barbe et aux cheveux longs, vêtu d'une ample toge et portant des lunettes, s'approche du palais fédéral dans des tourbillons de poussière et de fumée. De sa main droite, il tend devant lui une canne dont le pommeau représente un globe terrestre. Dans son bras gauche, il en serre un épais volume dont la reliure en cuir est intitulée « L'Histoire ». Derrière lui, à peine distinct, se dresse le spectre d'un déporté juif, identifiable à ses vêtements rayés frappés de l'étoile jaune. Le palais fédéral est représenté sous la forme de deux bâtiments stylisés. L'essentiel réside dans l'inconcevable pagaille qui anime les lieux. Devant la porte d'entrée, une benne à ordures déborde, laissant entrevoir un dossier barré de la mention « Top secret ». À l'étage du premier bâtiment, la baie vitrée gauche laisse entrevoir une scène de bagarre. Deux hommes échangent des coups, une femme crie les bras levés au milieu de papiers qui volent, tandis que, face à la fenêtre, le conseiller fédéral Flavio Cotti se coiffe un miroir à la main. Devant la deuxième baie vitrée, un gros personnage, cigare à la bouche, s'est réfugié sur la terrasse avec un énorme sac d'argent. À travers les fenêtres qui ont volé en éclats, un autre personnage s'est saisi d'un pan de son vêtement pour l'attirer vers l'intérieur, où un homme brandit un journal sur lequel il est écrit « Scoop ». À l'arrière de la troisième baie vitrée, un homme, le bras levé, et une femme semblent crier à tue-tête. Dans le second bâtiment, deux personnages en train de se battre émergent des seules fenêtres éclairées. Juché sur le toit, quelques feuillets à la main droite et l'index gauche tendu vers le ciel, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamura prononce un discours, tandis qu'un marteau est brandi par une main anonyme au-dessus de sa tête. Enfin, un dernier personnage, manifestement défenestré à partir de la coupole ravagée par un incendie, tombe la tête la première au milieu d'éclats de verre. À la porte d'entrée, un personnage ouvre au vieillard un portin qui se présente en pleine scène de ménage. La cravate dénouée, les lunettes tordues, il lui répond « Rendez-vous ? Quel rendez-vous ?» Sébastien Gay, dans votre ouvrage « La Suisse et les grandes puissances 1914-1945 » paru chez Dorot, en 1998, on peut lire dans votre introduction à propos de la Suisse et ses échanges économiques avec diverses grandes puissances qu'elle maîtrise largement ce que vous appelez la pratique du camouflage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion de pratique du camouflage ? Je vais vous l'illustrer à travers un exemple. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les milieux dirigeants suisses sont extrêmement isolés du point de vue international et savent qu'ils vont devoir rendre des comptes aux alliés, il y a une discussion sur comment réactiver cette arme, appelons-la comme ça, qui est ce que j'ai appelé aussi dans la même introduction la rhétorique de la petitesse. Le fait de présenter la Suisse systématiquement comme un pays beaucoup plus petit, beaucoup moins important du point de vue économique, politique qu'il n'est. D'accord ? Et puis, utiliser bien évidemment l'autre arme traditionnelle qui est, disons, la politique des bons offices, la politique humanitaire, si vous voulez, de la Suisse. Donc il y a, je pense, une stratégie complexe qui n'a pas encore bien été analysée. Par exemple, toute la politique des bons offices de la Suisse, la politique humanitaire, le don suisse, par exemple, le fameux don suisse, où le Conseil fédéral met environ 150 millions, 200 millions, donc c'est des sommes très, très, très considérables, pour venir en aide à toute une série de populations sinistrées dans les années 1945, 1948, 49, où ils ciblent très, très, de manière stratégique, où ils vont accorder de l'aide pour se créer du goodwill. Par exemple, ils vont accorder beaucoup d'aide à la Hollande, ce qui fait que quand la Hollande, les autorités hollandaises, en 47-48, vont dire « Oui, mais attention, nous, l'accord de Washington, l'Allemagne nous a pillé notre or. Cet or a été vendu en large partie aux Suisses. Les Suisses ont dû payer 250 millions pour solde de tout compte. Bien, on n'est pas d'accord. On aimerait bien qu'on revienne là-dessus. Alors, vous avez des rapports internes aux milieux dirigeants hollandais qui disent « Oui, mais ça va être compliqué, y compris par rapport à notre propre population, de remettre en question ça. C'est pas seulement qu'on va se heurter aux milieux diplomatiques américains et tout, et puis au fait que juridiquement, l'accord de Washington était signé au nom de tous les gouvernements, d'accord ? Donc, y compris au nom du gouvernement hollandais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit « pour solde de tout compte ». Et vous avez des rapports internes qui disent « Oui, mais là, on n'aura pas beaucoup de légitimité parce qu'ils ont quand même accordé, souvenez-vous, les centaines de milliers de litres de lait qu'ils ont livrés à crédit aux enfants d'Amsterdam ou de Rotterdam en 46, 47, etc. » Donc, vous voyez, il y a l'utilisation de ça. Et les Suisses le font de manière absolument, parfaitement consciente. Ça, cet aspect... à part moi et un ou deux autres, disons il y a très peu d'historiens qui ont essayé de problématiser l'utilisation politique de la politique humanitaire. Dans le cadre des secours alimentaires, l'action la plus importante entreprise à ce jour a été réservée à la Hollande occupée. En trois envois successifs, ce pays a reçu plus de 7700 tonnes de vivres, des céréales surtout. La Hollande libérée a reçu 215 tonnes de produits de grande valeur nutritive qui étaient tout d'abord destinés à Rotterdam et dont le transport dans cette ville fut empêché par le développement de la situation militaire. C'est l'occasion de montrer à des journalistes suisses ce que le don suisse fait à l'étranger pour qu'ils puissent le raconter à leurs lecteurs et que le peuple lui-même se rende compte de l'utilité de l'effort et du sacrifice qu'il a fait. Vous avez donc une grande discussion sur cette stratégie et un des éléments de cette stratégie, c'est de nouveau utiliser la rhétorique de la petitesse. Et donc, il y a des démarches qui sont entreprises au sein du département politique, donc du ministère des Affaires étrangères, pour écrire une sorte de livre blanc qui montrerait combien la Suisse a souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors ils vont essayer de trouver toute une série de gens pour écrire sur différents aspects. Donc ils leur envoient des rapports, ils les sollicitent pour dire « Ah mais alors sous tel aspect, etc. etc. etc. » Donc vous avez aux archives fédérales, je ne sais pas, deux ou trois cartons d'archives qui sont remplis de ces esquisses de rapports qui devaient ensuite être synthétisés dans une sorte de livre blanc montrant qu'au fond, la Suisse sortait de la guerre à peu près aussi éprouvée que ses voisins, la France, la Belgique, la Hollande, qu'en sais-je. Donc pour montrer que, bien, elle s'était pas enrichie du tout, ça absolument pas. Au contraire, bien appauvrie, qu'elle avait beaucoup souffert, qu'elle c'était un tout petit État impuissant, puis qui en plus avait fait tellement de bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré cette situation extraordinairement difficile, etc., etc. Donc, bien, pour des raisons que j'ai pas comprises pour le moment, parce que, disons, il faudrait vraiment creuser la question, le bouquin ne sera finalement pas publié. En revanche, ils auront à peu près l'équivalent avec la publication par... Ils solliciteront André Siegfried, le fameux sociopolitologue, géopolitologue français, pour écrire en 1947 ou 48 un bouquin sur la Suisse, je ne sais plus comment il l'intitulera, mais qui, disons, présente la Suisse sous ses aspects les plus reluisants, et puis évidemment comme un petit état insignifiant, mais qui a un petit peuple de bergers qui a réussi quand même à, disons, s'en sortir plus ou moins bien, mais quand même en souffrant beaucoup, etc. Mesdames, messieurs, monsieur André Siegfried, professeur à l'école des sciences politiques et au Collège de France. Monsieur le professeur, vous avez déjà connu la Suisse. Quelle est votre impression en la retrouvant? Je reprends contact avec la Suisse après 7 années de séparation. Mon dernier voyage remonte en effet à 1938. C'est avec émotion, ai-je besoin de le dire, que je retrouve ce pays qui, dans la tourmente universelle, a su courageusement défendre son indépendance, sa liberté d'esprit, les mœurs et les institutions de la démocratie. Comme Français, comme Européens, nous remercions la Suisse d'avoir fermement maintenu certaines valeurs, certains principes, sans lesquels il ne vaudrait vraiment plus la peine de vivre. Vous avez eu l'immense bonheur d'échapper à la guerre, d'échapper aux horreurs de l'occupation. Votre situation géographique y est pour quelque chose, votre courage pour plus encore. Les Français n'ont pas oublié ce que les Suisses ont fait pour leurs enfants malheureux, pour leurs victimes de la guerre. C'est un privilège et un honneur pour moi de me retrouver ici et de m'adresser à ces auditoires suisses, distincts des nôtres, mais appartenant profondément à la même culture et à la même tradition. Voilà, j'ai retrouvé le titre du livre d'André Siegfried, c'est « La Suisse, démocratie témoin ». Voilà. Ils feront par contre, alors après la Première Guerre mondiale, là je suis beaucoup plus au clair et tout, alors après la Première Guerre mondiale, ils feront des rapports officiels, truquant les chiffres de manière éhontée, qui présenteront dans les grandes conférences de Bruxelles et de Gênes en 1920 et 1922, pour dire la Suisse est appauvrie, etc., etc. Donc, après la Première Guerre mondiale, là, ils le feront tout à fait officiellement, et bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'idée de le faire, mais pour finir, ils l'ont pas fait. Ensuite, vous avez pas un économiste suisse, c'est un des trucs qui m'énerve le plus, encore aujourd'hui, qui commence pas son manuel sur l'économie suisse, Joseph Dice, vous pouvez lire, c'est, je veux dire, genre d'imbécilité qui me pompe l'air depuis 30 ans, commence son livre par recenser toutes les, la petitesse, la Suisse, petit pays dépourvu de ressources naturelles. Voilà, là, c'est là bien. Alors, ces imbéciles s'en même pas rendu compte que la Suisse disposait peut-être pas de pétrole, mais d'une ressource naturelle tout aussi importante depuis 1880 environ, qu'on appelle l'eau, bien, qui peut alimenter ce qu'on appelle une petite turbine, qui va produire une chose qu'on appelle l'électricité, qui joue un certain rôle, semble-t-il, dans le capitalisme du XXe siècle. Bien, puis avec le réchauffement climatique, cette eau va devenir encore plus importante. On dit même que ça va être plus important que le pétrole, parce que le pétrole va s'épuiser. L'eau, en principe, ne devrait pas, et encore moins l'eau potable. Donc, disons, la Suisse est au cœur même d'une des ressources naturelles les plus importantes du monde, depuis toujours, parce que l'eau a joué un rôle très important dans toute l'histoire de l'humanité. Bon Dieu, les gens ne perchent pas des villes au sommet. Babylone n'était pas construite. Babylone, c'est le Jourdain. Il faut juste être un imbécile pour pas comprendre l'importance de l'eau. Mais vous continuez, ces économistes qui comprennent rien, qui apprennent rien, continuent avec leur discours sur la Suisse, petit pays dépourvu de ressources naturelles. Voilà, classique. Ils me pompent l'air, vraiment. Infotrafic RTS. Prudence si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Lausanne, car des objets ont été perdus sur la chaussée entre Belmont et le tunnel de Belmont en direction de Lausanne. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je suis un diplomate. J'ai été en même temps, à un moment donné, un banquier dans la City. Et comme diplomate, on m'a envoyé à New York en 1997, pour m'occuper notamment des fonds en déshérence en tant que consul général de Suisse à New York. Et à un moment donné, lorsque l'affaire Jacques Petty s'est déclarée, et que Jacques Petty a été contraint, je pense, à la démission, et que M. Defago, qui était mon prédécesseur, a reçu le poste de Washington, M. Coty a demandé à M. Dallemura, qui voyez-vous comme diplomate? Et M. Dallemura a cité mon nom. Pour les gens qui n'auraient pas forcément à l'esprit le choix de M. Jacques Métis. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous refixer cette situation-là ? Eh bien, M. Jacques Métis a été victime d'une fuite d'un de ses rapports, et les rapports politiques sont envoyés en très petit nombre au Conseil fédéral. D'où est sortie la fuite, c'est difficile à dire. D'ailleurs, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu fuite. Et à partir du moment-là, on était déjà dans une crise assez développée, qui bourgeonnait un peu de partout. Il était évident qu'on allait sauter sur cette occasion pour demander des explications. Et Jacques Métis, qui devait prendre sa retraite quelques mois plus tard, a décidé de quitter le département. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé entre M. Coty et M. Jacques Métis. Toujours est-il qu'il a quitté son poste à Washington. Alors après, on peut imaginer qu'il y a un coup de fil ou un rendez-vous, et puis la chose vous est présentée. Et quelle est votre première réaction ? Est-ce que vous vous dites, on est en train de me filer une patate chaude, ou j'ai pas le choix, il faut que j'y aille ? On a toujours le choix du refus. La patate, elle était très très chaude. Mais ça me gênait pas particulièrement. Évidemment, j'étais un peu inquiet de ce qui m'attendait. J'avais pas connaissance du dossier. Il est toujours très difficile d'arriver en pleine crise. Alors, on était absolument... Moi, je suis arrivé en juin 97. La crise était profonde et elle allait en s'amplifiant. Donc déjà, de ce point de vue-là, ma connaissance historique était, quand je suis arrivé, pas tout à fait au point, il m'a fallu évidemment me mettre au diapason, et j'arrivais à un moment où une task force venait d'être créée. Surtout le rapport Eisenstadt, qui date de mai 97, était sorti, et il était tout sauf facile vis-à-vis de la Suisse. Notamment, on nous accusait, ou Eisenstadt nous accusait d'avoir prolongé la guerre. Ensuite, il mettait en cause les accords de Washington de 1946 en déclarant que c'était des accords inadéquats. On avait eu de nombreuses excuses qui avait été mal interprétée et psychologiquement maladroite du côté suisse. Du côté du Congrès juif mondial, il y a eu des class actions, des plaintes collectives, plus des ultimatums. Il y en avait eu deux ou trois déjà préalables à mon arrivée, et l'affaire Miley venait d'éclater. Donc on était en pleine crise. Et je suis arrivé, boum, au milieu de la crise. Est-ce que ça sous-entend pour vous, Jacques Reverdin, que vous avez à faire une sorte de cours de rattrapage d'histoire accéléré? Non, je connaissais les accords de Washington par mes études après ma licence en droit. Je connaissais aussi le fait que les fonds en déshérence avaient été laissés de côté par les accords de Washington ou touchés à la marge par les accords de Washington. Je savais aussi que tout ça c'était en ébullition pour différentes raisons. Il y avait eu des films, la Shoah ou la liste Schindler, il y avait eu des écrits, il y en avait qui crachaient dans la soupe, et ça a mijoté depuis assez longtemps, et on a laissé se dégrader la chose. Jean-François Berger. Jacques Reverdin, vous avez mentionné l'affaire Melli, qui a été montée en épingle notamment par le Congrès juif mondial et certains médias internationaux. Quel regard portez-vous sur cette affaire Melli, qui était un peu une espèce d'affaire dans l'affaire? Écoutez, l'affaire Melli ne m'a pas intéressé. C'est un mélidrame ou un mélodrame. Et moi, je connais Miley pour l'avoir vue chez moi, mais je l'ai au bureau. Mais en fait, Miley a été victime de cette affaire, comme il a été victime, comme le gouvernement suisse a été victime, comme les banques ont été victimes. En fait, quand il a décidé de passer au broyeur un certain nombre de documents, il avait raison. En ce sens qu'il pouvait croire que c'était des documents importants, encore que parce que les banques avaient reçu par arrêté fédéral l'ordre de rien détruire de cette période-là. Après, on ne sait jamais ce qui s'est passé et ce qu'il y avait réellement dans ces documents. On pense plutôt que ça n'avait pas une relation avec l'affaire qui nous préoccupait. En fait, il a été instrumentalisé par D'Amato, qui voulait se faire réélire et qui avait besoin des 3 millions, une partie des 3 millions de voix juives pour se faire réélire au Sénat. Et il a été instrumentalisé aussi par le Congrès juif mondial. Et ça a été très très haut, puisque c'est même Clinton qui a signé la possibilité pour lui d'être résident. Donc ça a été très haut, et ça montre au passage la collusion qui existait entre l'administration américaine et le Congrès juif mondial et les organisations juives. Autre personnage atypique, le diplomate Thomas Borer, qui est nommé chef de la task force par le DFAE. Avec Borer, on a une rupture avec le style habituel de la diplomatie suisse. Comment est-ce que vous l'avez perçu, et comment évaluez-vous son impact dans la défense des intérêts de la Suisse après coup ? une question piège. Un peu, lorsque vous êtes sur le terrain, c'est difficile de juger l'action de la task force à Berne. J'observe plusieurs choses. J'observe que c'est un peu une faillite de l'administration fédérale et de la coopération entre les différents départements pour une affaire aussi importante de devoir créer une task force. Est-ce que c'était la meilleure solution? Le Conseil fédéral a jugé que oui. La task force est arrivée aussi au milieu de la crise, c'est-à-dire à un moment où elle devait se mettre au parfum, si je peux dire, ou tâcher de comprendre de quoi il en retournait. Je fais une deuxième constatation, c'est que on avait besoin, en fait, d'après moi, plus de gens sur le terrain. Et peut-être moins de gens à Berne qui s'en occupaient. Et j'ai eu des grands moments de solitude, étant à peu près seul au consul général à m'occuper de ces affaires. Et je pense que le département aurait bien fait d'avoir un peu plus de monde, et à Washington et à New York, pour s'occuper de ces affaires. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur le terrain ont une approche qui est différente de ceux qui sont à Berne. C'est les raisonnements des deux parties qui arrivent à une politique. Quelquefois, nous avons la sagesse, en fait, de pouvoir dire voilà ce qu'il en est. Et c'est pas parce qu'on fait un voyage entre Berne et New York et Washington qu'on peut comprendre cette atmosphère. Donc je pense qu'il y a une difficulté. Ensuite, je pense que la task force a fait une erreur, et Borer en particulier, c'est de se montrer assez souple au début de la négociation et extrêmement rigide à la fin de la négociation. Or, je pense que dans une négociation qu'on veut réussir, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire il faut montrer où on veut arriver et ensuite on coopère, on essaie de trouver des compromis. Ce qui fait que je ne suis pas certain que la task force, au moment où l'accord a été signé le 12 août 1998, je ne suis pas convaincu que Borer était un interlocuteur, et pour les banques, et pour le Congrès juif mondial, valable. À tel point d'ailleurs qu'il n'a pas été informé de l'accord le 12 août, et qu'il en était tout à fait mécontent. Et au fond, il était contre cet accord. Et alors là, il m'a envoyé une instruction, ça c'est une petite histoire, il m'a envoyé une instruction en disant « Personne, en tout cas, tu ne dis rien sur cet accord », ce qui m'était impossible sur place, puisque j'étais taraudé par la CNN, par NBC, par le New York Times. Il fallait dire quelque chose, le gouvernement suisse n'était pas prononcé du tout et dire qu'il était heureux. Donc le premier qui a parlé, c'était votre interlocuteur ici, et qui a parlé à titre personnel, en disant que il avait aucune instruction pour avoir une réaction du gouvernement suisse, mais qu'à titre personnel, il était très heureux qu'enfin ceux qui avaient survécu à la Shoah et à l'Holocauste aient pu être dédommagés de toutes leurs souffrances, bien que cela ait été dans une petite proportion, mais c'était une bonne chose, à mes yeux. Jacques Reverdin, en août 1998, le fameux accord qui solde quelque part un peu les comptes est signé. Vous êtes aux premières loges, vous êtes en première ligne à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez juste nous remettre un petit peu dans l'ambiance? Est-ce qu'on est dans un événement qui surgit comme ça, ou c'est l'aboutissement de travaux plus ou moins secrets, confidentiels? Comment se conclut cet accord? Je dirais que c'est un peu comme le Brexit, c'est-à-dire que tout le monde en a marre. Tout le monde en a assez, et il fallait bien conclure. On pouvait pas arriver, comme l'avait dit Bronfman en mars 98, à une guerre totale avec la Suisse. On voulait pas non plus de boycott de FSI, qui autorisait les différents États et les différentes villes à boycotter non pas seulement la finance, mais aussi le secteur secondaire de la Suisse, c'est-à-dire l'industrie. Je crois qu'il y a un concours de circonstances. J'avais organisé, à l'insu d'ailleurs de M. Borer, l'arrivée de M. Zinger devant la commission des affaires étrangères avec mon ami. J'avais organisé ça avec Lacha, en grand secret, et avec mon ami Jacques Simon Aigli. Et Zinger était venu en Suisse. En fait, Bronfman avait déclaré 8 jours avant la guerre totale, et il avait reçu une lettre de Lacha en disant que c'était terminé, qu'il n'avait pas besoin de venir, qu'on savait ce qu'on savait. Et j'ai remis cette lettre à Zinger, et Zinger l'a lue, et ensuite il m'a dit « je ne l'ai jamais reçue ». Donc il a fait un peu comme Kennedy pendant la guerre de Cuba, alors avec sa lettre de Khrouchtchev. Alors il est arrivé, et Zinger a vu quand même qu'il y avait une opinion suisse extrêmement remontée, que le Conseil fédéral n'arriverait pas à faire passer certaines choses, et que donc il a vu aussi des parlementaires suisses qui l'ont expliqué, nous on n'arrive plus, on va arriver à rien du tout, on arrive devant un but. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que le Congrès juif mondial avait une pression assez considérable des survivants de l'Holocauste. Ces survivants disaient, on a 80 ans, on a 75 ans, on a 90 ans, on veut voir quelque chose de cette négociation. Et c'est pas en négociant à perpétuité qu'on arrivera à mourir avant et tâcher de conclure. Il y avait aussi le fait que Rainer Guth a été extrêmement instrumental et qu'il voulait arriver à un accord. Et je vous rappelle que c'est un accord sans gouvernement. C'est pas un accord avec le gouvernement, ni avec M. Borer d'ailleurs. C'est un accord avec les banques, qui a exclu la Banque Nationale Suisse d'ailleurs. Donc il y avait une conjonction qui fait que, Dieu merci, c'est arrivé finalement. Je suis très heureux et honoré de pouvoir annoncer que nous sommes arrivés à un accord historique avec les banques suisses. L'accord conclu cette nuit porte sur un montant total de 1 milliard 250 millions de dollars, soit près de 1,9 milliard de francs suisses. L'événement est de taille et pourtant ce soir, aucun membre du gouvernement n'a jugé bon de venir commenter l'accord de New York. Tout à l'heure, pour répondre à la presse nationale et internationale, c'est le chef de la Task Force qui a lu une déclaration laconique du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral espère que cet accord va encourager les relations économiques entre la Suisse et les États-Unis et calmer le jeu, calmer l'ambiance qui est devenue ces derniers jours énormément tendue. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait eu dans US News and World Report, qui est un hebdomadaire américain très lu par l'intelligentsia, un article de son président absolument épouvantable vis-à-vis de la Suisse. Une mitraillette. C'était un éditorial et Borer m'avait dit, il faut réagir, il faut faire un démenti, etc. Pour ma part, je pensais pas qu'il fallait faire de démenti. Parce que les gens auraient dit, je vais lire l'article puisqu'il fait un démenti. Bon, c'est toujours pareil. Donc, j'ai essayé vainement et puis j'y suis arrivé finalement à voir ce personnage qui était un juif au pouvoir considérable. Et je suis arrivé, il m'a invité pour le petit déjeuner. Alors, il y avait une grande table. Je me suis senti un peu comme Don Juan au moment du dernier acte et le commandeur arrive pour l'accuser. J'étais Don Juan qu'on accusait. Une immense table, j'avais un œuf à la coque et lui avait un œuf à la coque et j'explique la position suisse. Et il me dit, au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes, you are digging yourself, ça veut dire vous creusez votre tombe. Ça sert à rien, tout ce que vous me dites, ça sert à rien. Et il y avait un magnifique Renoir dans la salle à manger, tout seul, immense salle à manger, un Renoir de la belle période de 1890, une jeune fille bleue, très, enfin charmante. Et alors j'ai parlé ça, je lui ai dit, mais au moins j'ai été très heureux de voir ce Renoir que j'aurais jamais vu autrement. Et you made my day. Et j'ai fini dans sa chambre à coucher, parce qu'il m'a montré toute sa collection, qui était importante, où il y avait 2 Giacometti, et il m'a dit, vous voyez, la Suisse n'a pas que du mauvais. Plus jamais d'article. Fini. Vous nous dites au travers de cette anecdote, Jacques Reverdin, que rien ne saurait remplacer le contact humain. Je pense. Ouais. En tout cas pas les rapports. Ou pas toujours. Mais les rapports sont utiles pour avoir de bons contacts humains, c'est vrai. Ce dessin représente un gros personnage chauve, vêtu d'une veste de costume et d'une cravate, et qui fume un énorme cigare. Installé à sa table de travail, dans un large fauteuil directorial, derrière lequel on entrevoit un graphique, il est occupé à écrire à l'aide d'un gros stylo. Le document qu'il est en train de remplir est figuré à l'arrière-plan. Il s'agit d'un bulletin de versement postal, dont les Suisses se servent à la fin de chaque mois pour effectuer la majeure partie de leurs paiements. Les rubriques indiquent un versement de 1,25 milliard de dollars effectué par les banques suisses au profit du Congrès juif mondial de New York. Dans le petit encart réservé aux communications, habituellement utilisé pour préciser le motif du paiement, figure une phrase lapidaire. Ah oui, pardon au peuple juif. Ce dernier épisode était intitulé Dos voûté et bons offices. Une série proposée par Jean-François Berger et Jean Leclerc. Lecture Philippe Hérisson. Une réalisation de Jean-Philippe Svalen. Thank you.